problème. J'ai toujours préféré m'isoler. Je n'ai jamais su dire je t'aime normal, car pour le dire soi-même il faut s'aimer. Ce sont ces paroles que je sème, que j'aimerais que vous ne puissiez pas récolter. Au cœur, je dois avoir un œdème, m'empêchant de vivre en paix. Lorsque l'on a un souci, le mieux c'est d'aller en parler. Sauf si comme moi tu n'as pas d'amis sur qui vraiment tu peux compter. J'aimerais en finir avec la vie, mais l'on me dit que ce serait faire preuve de lâcheté. Mais faut-il mieux être malheureux et en vie que lâche, mais au moins être en paix. Quand je crie à l'aide, personne ne m'entend, et je me sens partir. Je n'ai pas trouvé de remède à ce que je ressens. Je ne me vois pas d'avenir. Quand je crie à l'aide, personne ne m'entend, et je me sens partir. Je sens que je cède à tout moment. Laissez-moi mourir. Tous mes appels au secours restent sans réponse constamment. Donc à ma vie je veux donner cours, car comment faire quand tout le monde se ment. Sur cette terre il n'y a pas d'amour, car l'on y préfère les conflits incessants. Y'a ceux qui pleureront pour toujours, et ceux qui feront couler le sang. Si tu as la forte impression que tout le monde te tourne le dos, que tu prends la vie comme une pression au lieu de la prendre comme si elle était un cadeau. Pour moi c'est devenu une obsession de vouloir rencontrer l'âme qui détient la faute. Et ce sera sans aucune précaution que je vous abandonnerai lors de mon repos. Quand je crie à l'aide, personne ne m'entend, et je me sens partir. Je n'ai pas trouvé de remède à ce que je ressens, non. Je me vois pas d'avenir. Quand je crie à l'aide, personne ne m'entend, et je me sens partir. Je sens que je cède à tout moment. Laissez-moi mourir. Si ta vie ne tient qu'à un fil, et que t'aimerais pouvoir le couper, que parfois celles-ci te sont si futiles, que tu te laisses très volontiers emporter. Ce qui me retient ici est si fragile, que même une larme pourrait me briser. Sache que survivre n'est pas aussi facile que de sourire pour faire croire que tout allait. Si tu veux tout abandonner, garde ta vie, tu as mal. Ayant personne pour te confier, tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir. Si un ami te dit qu'il veut se tuer, que tu ne trouves plus de gaieté dans son regard, je t'en prie, oui, va lui parler, car comme pour moi, il sera peut-être trop tard.